Ils veulent que je reste à terre ici. Mais je suis en terrasse à Cassis, soudé comme un Yamakasi. Je suis dans une autre galaxie. Passe-moi la Isti. Me roule pas un stick. Appelle-moi Haïti. Un 3 chaud comme à Haïti. Ça fait des fourgons comme dans Hit. Sans casque, ça bandit. Échange des voitures, conduit shit. En Gigi, t'en charge la petite. Je faisais des freestyle dans la Twingo. Parti de rien comme Rina Toto. Moto volée dans le Berlingo. Tu veux faire la sécu no tango. Et ces bâtards ils mentiront. Mais ces bâtards ils en chiront. Le mauvais oeil nous attirons. Je serai à 400 dans la Bugatti Chiron. Ouais chaleur papillon. Tu dates comme un papyrus. Je sais que tu veux que nous nous marions. Fais gaffe toi la poupée russe. Je suis arrivé dans le game comme un attentat. Là je sors un double album parce qu'il y a eu trop d'attentes. Ça sort la guitare comme un Atlanta. Je suis de retour, c'est pas fini, je vais encore choquer des tenteurs. Y'a des fous partout, y'a des brigandés. Armés sous le manteau, c'est pour les trafiquantés. Dans mon dos tu chantais, devant les petits tu tentais. Ça te fait des travails mentaux pour voir ta haine au monde. Avec le temps ma musique s'embellit. Je vais au resto, je bois de la sampelle. La fille est vraiment belle. Je prends son snap, je dis qu'on s'appelle. J'suis trop la dalle, non je plaisante pas. Un poteau rentre, j'envoie les mandats. On garde un peu les chiffres, ça ne ment pas. L'honneur, le respect, ça se vend pas. J'ai fumé du shit à la fraise à Barcelona. Sous peu, je pourrais pardonner, même l'impardonnable. Je reviendrai toujours en force, ouais, comme Bouna. Je vois des têtes de civils là dans la Laguna. Je fais de la qualité. Comme j'ai taffé, t'as pas idée. Imagine, j'arrive en hélico. Sur scène, comme Johnny Hallyday. Je compose et j'écris comme Michael Jackson. Y'a deux gars déchargés, je m'emballe avec Jackson. En promenant sa lame avec la Wilson. Y'en a, ils font de moi, ils font les Al Capone. Là c'est la zone en personne. Je fais le signe Jules sur la pochette. Dans toute la France, ma voix résonne. Ça m'en veut, mais je le sais. Je sais des choses, mais je me tais. J'ai dit la vérité, j't'ai vexé. Détends-toi, tu fais la complexée. Dans la tête, j'en oublie d'allumer les phares. Y'a plus de reconnaissance, ça parle d'allumer les frères. J'ai déjà touché le fond, ce qu'il me faut, ça peut rien me faire. Des fois, t'es fou, je sers, pas rouge, mais je me gère. Je voulais être solidaire, mais je vais finir solitaire. Je crois un fan, il me fait le signe doule avec son moniteur. Aquarium dans les geôles, les gens ils ont pris peur. Je suis arrivé à la télé avec mon DP et ma coupe. Non, mais c'est quoi ce fessier? À deux doigts de faire un AVC. Flangamo, tu fais baiser. Sans fond, vite PC. Trop les nerfs, je vais faire un flash. J'ai un permis international pour les flashs. Je suis gentil, moi, je suis pas dans les clashs. Tu pues de la stage.